إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le titre de cette conférence porte sur le fait de s'accrocher à l'islam, de s'accrocher fermement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être ferme dans la religion d'Allah azza wa jal est essentiel, surtout pour le musulman véridique qui veut emprunter et surtout rester dans la voie droite, as-siratul mustaqim, qu'Allah azza wa jal, ou que nous demandons à Allah azza wa jal de nous guider vers celui-ci dans chacune des raka'at de nos prières lorsque l'on dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim ». Et parce que la civilisation dans laquelle l'on vit est une civilisation pleine de désirs, pleine de passions, pleine d'ambiguïté, au point que celui qui s'accroche à sa religion est un étranger. Le prophète alayhi salatu wa salam nous le dit: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange comme il a été étrange auparavant. طوبى للغرباء. Et le prophète صلى الله عليه وسلم promet cette récompense qui est un arbre au paradis, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Un arbre au paradis sera donné à ces étrangers. Il est devenu difficile maintenant de s'accrocher à la religion. Et encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam nous en a informé lorsqu'il dit alayhi salatu wassalam: القابض على دينه كالقابض على الجمر. Que celui qui s'accrochera à sa religion sera comparable à celui qui saisit fortement une braise dans sa main. Le fait de s'accrocher à la religion est un sujet important qui a une relation avec le cœur. Ce cœur, al-qalb, qui a été appelé al-qalb parce qu'il se retourne. لِتَقَلُّبِهِ, parce qu'il se retourne. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah: إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ. Le cœur a été appelé al-qalb de par le fait qu'il tourne. إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبُ كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. Et le prophète صلى الله عليه وسلم dit que l'exemple du cœur est comparable à une plume qui est tombée ou qui se trouve au pied d'un arbre que le vent retourne. Que le vent retourne. Ainsi, l'époque dans laquelle l'on vit, la société dans laquelle l'on vit, surtout nous, nous concernant, qui vivons malheureusement dans un pays qui n'est pas musulman, la tâche est d'autant plus difficile. Et ce n'est pas un constat accablant que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de vous donner un discours qui dit que tous les gens vont périr et que tous les gens sont amenés à perdre dans cette vie d'ici-bas. Non, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum » Celui qui dit les gens ont péri, c'est lui qui a le plus péri. Mais le prophète alayhi salatu wa salam dit, comme le rapporte Anas ibn Malik radiyallahu an, lorsqu'il dit ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la yuhaddithukum ahadun ba'di. Voulez-vous que je vous dise des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne d'autre après moi pourra vous rapporter? Je l'ai entendu dire, inna min ashrat as-sa'a, fait partie des signes de la fin de l'heure, an yurfa'a al-ilm, que la science soit levée, wa yadhhar al-jahl, que l'ignorance apparaisse et se propage, wa yafshu az-zina, que l'adultère se diffuse, wa yushrabu al-khamr, et que le vin soit bu, et que les hommes seront peu par rapport aux femmes, au point qu'il y aura pour 50 femmes un seul homme. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il y aura un temps dans lequel les situations seront difficiles, dans laquelle les péchés seront partout. Et il dit aussi alayhi salatu wassalam, ma min ayyamin illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. Il n'y a pas un jour sans que le jour qui ne le suive soit pire que l'autre. Sans que le jour qui suive soit pire que le jour précédent. Donc plus les jours avancent, chers musulmans et musulmanes, et plus la situation se dégradera. Et plus il sera difficile de s'accrocher à sa religion. Ainsi, des rappels sur ce sujet sont d'une vitalité importante. Une société, comme je l'ai dit, pleine d'ambiguïté et pleine de passion. Une société dans laquelle celui qui s'accroche à l'islam est victime de moqueries. Il est sans cesse en train de recevoir des reproches et la plupart du temps des membres de sa famille. Une société dans laquelle il y a un dialogue qui essaye de s'instaurer entre les différentes religions, ce qui accroît les ambiguïtés. Et quant au dialogue avec les religions, concernant l'islam, il n'y a pas de dialogue avec les autres religions. Allah Azza wa Jalla dit: "Qul ta'alu, qul ya ahla al-kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a." Le seul terrain d'entente qu'il y a entre l'islam et les autres religions, c'est que les autres religions disent « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, dit « Ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous de n'adorer qu'Allah et de ne lui prendre aucun associé. » Une société dans laquelle les communautés et les différents pays s'acharne sur l'islam et attaque l'islam de toutes parts. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Soit les musulmans sont attaqués physiquement en envahissant leur pays, soit ce sont les emblèmes de leur religion qui sont attaqués. Et la France est l'un des pays les plus hostiles à ce sujet. Vous avez vu la guerre contre le hijab, la guerre contre les soi-disant écoles coraniques qui forment des terroristes prêts à s'exploser d'une minute à l'autre. On empêche les musulmans de sacrifier les moutons le jour de l'Eid. On critique les musulmans parce qu'ils prient dans les rues. Et de l'autre côté, on leur met des bâtons dans les roues pour les empêcher de construire leur mosquée. On empêche les musulmans de construire des écoles musulmanes dans lesquelles ils y préserveraient leurs enfants de la mécréance, de la turpitude et de la débauche. L'islam est attaqué, chers musulmans et musulmanes. Et malheureusement, beaucoup sont atteints par ces attaques. Ils ont été affaiblis. Il y a eu un tel acharnement que cela a fait douter des musulmans, même de leur religion, al-ayyadu billah. Tout ceci doit nous motiver à nous accrocher à notre religion. Et le musulman et les musulmans doivent être comme un clou. Plus on tape dessus, et plus il est ferme et est encore plus difficile à enlever. Il est important de s'accrocher à sa religion avec l'évolution technologique que connaît notre société. L'apparition d'Internet, l'apparition des smartphones, des téléphones portables, où le monde quasiment est à la portée de chaque main. Et les ambiguïtés sont à la portée de chacun. Les passions, les tentations sont à la portée de chacun. Et si tu ne vas pas vers elles, c'est elles qui viennent vers toi. Il est important aussi de s'accrocher à sa religion, car certains sont dupés en pensant qu'ils sont bien dans la religion, qu'ils accomplissent leurs prières, etc., etc., et ils se sentent à l'abri d'un dérapage. Et ceci est une des ruses du diable. Le diable va t'ouvrir 99 portes vers le bien pour te faire tomber dans une porte du mal. Il est important de s'accrocher à sa religion, car les péchés sont diffusés, propagés, sont visibles partout, au point qu'ils ne choquent plus personne, au point que c'est devenu presque quelque chose de banal. Auparavant, il était inconcevable qu'une fille musulmane annonce à ses parents qu'elle est enceinte sans être mariée. Maintenant, wal'iyadu billah, c'est presque monnaie courante. Il y a une banalisation des grands péchés qui font partie des sept péchés capitaux. Pourquoi ? Car nous vivons dans une société où cela a été rendu licite. Et que tu le veuilles ou non, chers musulmans et musulmanes, si tu ne te remets pas en cause, si tu n'entretiens pas ton cœur, tu vas entrer dans ce trou noir et il t'en sera difficile d'en sortir. Ainsi, nous demandons à Allah Azzawajal de nous faire aimer la foi et de nous faire détester les péchés. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Le musulman doit être jaloux de sa religion. Il doit s'énerver lorsque les limites d'Allah sont dépassées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'énervait pas, sauf quand les limites d'Allah étaient dépassées. Quand les limites d'Allah sont dépassées, le musulman doit sentir son sang bouillonner à l'intérieur de lui. Il doit éprouver de la haine envers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. S'accrocher à la religion, al-thabat ala al-islam. Allah Azza wa Jal nous en parle dans de nombreux versets. Allah Azza wa Jal dit: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah affermi les croyants par une parole ferme dans cette vie d'ici-bas, en leur permettant de l'adorer subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui désobéir, dans la vie présente et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, et la première étape de l'au-delà, c'est bien sûr la tombe. Allah Azza wa Jal raffermira tes pas et te permettra de passer avec succès le questionnaire des deux anges Munkar wa Nakir. Et également, il te facilitera les différentes étapes que chacun devra traverser le jour du jugement. Le deuxième verset en lequel Allah Azza wa Jal parle du fait de s'accrocher de la religion, à la religion. Et lorsqu'il s'est adressé à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Isra, Allah Azza wa Jal dit: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait besoin qu'on le renforce. Il avait besoin qu'on lui rappelle, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal dit: et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais failli t'incliner quelque peu vers eux, vers le mushrikin. Allah Azza wa Jal dit également: ya ayyuha alladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui avez cru, si vous faites triompher Allah, Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. Il raffermira vos pas. Si tu veux être raffermi, si tu veux t'accrocher à la religion d'Allah Azza wa Jal, fais triompher Allah. Comment faire triompher Allah? En appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Allah Azza wa Jal a raffermi son prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant révéler au prophète alayhi salatu wa sallam le Coran en plusieurs étapes. La prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré 23 années. Et durant ces 23 années, le Coran n'a cessé de descendre. N'a cessé d'être révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soutenir et pour raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les différentes étapes ou devant les différents obstacles auxquels il a dû faire face, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal dit: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Il dit Azza wa Jal selon le sens: et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Allah Azza wa Jalla a répondu: nous l'avons révélé ainsi, c'est-à-dire en plusieurs étapes, pour raffermir ton cœur. Et nous l'avons récité soigneusement. Allah Azza wa Jalla dit également: وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il dit Azza wa Jal: et tous ceux que nous te racontons des récits des messagers. Dans Sourate Hud, entre autres, Allah Azza wa Jal cite l'histoire de Hud, l'histoire de Salih, l'histoire de Nuh, l'histoire de Shu'aib, l'histoire de Lot, alayhimus salam. Dans quel but? Ou l'un des buts est de raffermir le prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'il sache ce que les prophètes avant lui ont enduré avec leur peuple, pour le raffermir dans son appel à l'islam. Allah Azza wa Jal dit: et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci, c'est-à-dire de Surat Hud, t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, parmi les invocations qu'il disait les plus souvent, comme le rapporte Umm Salama radiyallahu anha, qui dit que l'invocation que disait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Et Umm Salama radiyallahu anha a dit, فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ. Elle a dit, ô envoyé d'Allah, tu dis beaucoup cette invocation, ô celui qui retourne les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Umm Salama, il n'y a pas un fils d'Adam sans que son cœur soit entre deux doigts, des doigts d'Allah Azza wa Jal. Il les retourne comme il veut. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous met en garde contre tous ces troubles qui vont arriver. Il dit alayhi salatu wa sallam, badiru bil a'mal salihah fitanan ka qita' al-layl al-muzlim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira يبيع دينه بغرض من الدنيا قليل. Il dit عليه الصلاة والسلام, empressez-vous à faire des œuvres vertueuses avant que ne viennent des tentations qui sont aussi sombres que la nuit. Des tentations dans laquelle l'homme qui était le matin croyant sera le soir mécréant. Et celui qui est le soir mécréant sera le matin croyant. Et celui qui était le soir croyant sera le matin mécréant. Il vendra sa religion pour des choses futiles de cette vie d'ici-bas. Il vendra sa religion pour des choses futiles de cette vie d'ici-bas. Wal'iyadu billah. Et je crains, wallahu a'lam, que nous sommes arrivés dans cette époque où maintenant, pour rien, les gens délaissent leur religion. Pour un salaire, les gens ne font pas leur prière à l'heure. Pour un salaire, les gens ne prient pas le Jumu'ah à la mosquée. Parce que leur travail ne leur permet pas. Ne connais-tu pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? As-salatu fi waqtiha khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Une prière à son heure est meilleure que toute la terre et ce qu'elle contient. Le prophète a même dit, Raka'atay al-fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha. Les deux raka'at surérogatoires que l'on fait avant la prière du subh sont meilleures que la terre et ce qu'elle contient. Billahi alaykum, celui qui réfléchit sur ce hadith, sur une prière, qu'elle est meilleure que la terre et ce qu'elle contient. Comment des gens peuvent délaisser et ne jamais prier depuis des dizaines d'années le Jumu'ah parce qu'ils travaillent? Ou parce qu'ils ne peuvent pas faire ses prières à l'heure au travail? Faire précéder cette vie d'ici-bas à l'au-delà, si ce n'est pas de la folie, qu'est-ce? Où est la confiance en Allah Azza wa Jal? Penses-tu que si tu délaisses un travail pour Allah Azza wa Jal, il va te laisser en vain, démuni? Ne connais-tu pas la promesse qu'a faite le prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il a dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par une meilleure. Et cela a été testé par des dizaines et des centaines de personnes. qui ont placé leur confiance en Allah Azzawajal et qui ont fait les causes et qui ont cherché du travail et se sont efforcés de trouver un travail qui était conforme et qui leur permettait de faire leur prière à l'heure. Et Allah Azzawajal leur a accordé des choses ou des postes auxquels ils n'avaient jamais imaginé. Celui également qui médite la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui est une parole contenant quelques mots, mais qui veulent tout dire. Et ceci est une des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Outiya jawami'ul kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette faculté, ce don, de ne dire que quelques mots qui renferment des sens immenses. Il dit alayhi salatu wa sallam, Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatil naru bil shahawat. Le paradis a été entouré de choses détestables et l'enfer a été entouré de passions. Je pense que ce hadith n'a nul besoin d'explication supplémentaire. Ainsi, celui qui s'accroche à sa religion doit savoir qu'il a emprunté un chemin robuste, qu'il a emprunté un chemin où il va devoir faire preuve de patience et où il aura des épreuves à surmonter. Car le paradis n'est pas gratuit, chers frères et sœurs. Il faut travailler pour y entrer. Et c'est facile pour celui qui le veut et pour celui qui demande à Allah Azzawajal de lui faciliter. Non. On demande aux frères de vous avancer, Inch'Allah, car malheureusement il y a des personnes dehors. Donc essayez, Inch'Allah, de vous serrer un peu plus. Barakallahu fikoum. Quels sont les moyens, après avoir vu l'importance de s'accrocher à la religion et le besoin de s'accrocher à la religion, quels sont les moyens qui permettent aux musulmans et à la musulmane de s'accrocher à la religion? Premièrement, et avant tout, le conseil premier, c'est la lecture de la parole d'Allah Azzawajal. La lecture du Coran, de lire le Coran en comprenant les sens, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de mettre en pratique ce Coran, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, concernant le prophète alayhi salatu wassalam, que son comportement était le Coran. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wasallam a fait du Coran ou a pris le Coran comme un guide de sa vie de tous les jours. Et le Coran permet à la fois d'augmenter, d'être ancré dans ce cœur, permet d'éteindre le feu des tentations, que ce soit les ambiguïtés ou les passions. Le deuxième conseil, c'est l'évocation d'Allah Azzawajal. Cette chose envers laquelle, malheureusement, beaucoup de musulmans sont insouciants. Ils ne prononcent pas assez et n'évoquent pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'évoquer le nom d'Allah Azzawajal est une des causes qui te permet d'être ferme et de raffermir tes pas en islam. Allah Azzawajal a dit dans sourate Al-Anfal, « Ya ayyuha alladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu. » Ô vous qui avez cru, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, c'est-à-dire pendant la guerre, « Fathbutu, soyez fermes. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Fathbutu wazkurullah. Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wazkurullah la'allakum tuflihun. Soyez fermes et évoquez le nom d'Allah, ainsi vous connaîtrez la victoire. En pleine guerre, évoquez le nom d'Allah Azza wa Jal. Et le hadith, ou l'un des hadiths les plus explicites, qui montre les mérites innombrables du fait d'évoquer le nom d'Allah, de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, et toutes les autres formules par laquelle tu te rappelles ton Seigneur et que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa salam, dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu anhu, ala ukhbirukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikikum وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله Il dit عليه الصلاة والسلام Voulez-vous que je vous informe des meilleurs de vos actes? De ceux qui sont les plus aimés auprès d'Allah, ceux qui vous élèveront le plus en degré, les actes. Voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que de donner en aumône de l'argent et de l'or, que ce qui est meilleur que de combattre votre ennemi et qu'ils frappent votre coup et que vous frappez leur coup? Ils ont dit, bien sûr, ô envoyé d'Allah, quelle est cette chose qui est meilleure que tout cela? Il a dit, alayhi salatu wassalam, dhikrullah, l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah, azza wa jal, a un effet sur le musulman que beaucoup négligent. Lorsque Fatima, radiyallahu anha, et Ali radiyallahu anhu lorsque Fatima radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui trouver une aide ménagère qui l'aide dans ses tâches de la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu que je t'enseigne ce qui est meilleur qu'une aide ménagère? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. De dire subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois. Cela est meilleur pour toi qu'une aide ménagère. Cela est meilleur que pour toi qu'une femme de ménage. Car l'évocation d'Allah Azza wa Jal renforce physiquement le corps humain. Il entretient le cœur, mais renforce le corps également. Le troisième moyen qui permet de se raffermir dans la religion et de s'y accrocher, c'est l'apprentissage de la science juridique, de la science islamique, de la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui va te sauver, cher musulman et musulmane. Et il t'est obligatoire de connaître les bases de ta religion. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » D'apprendre la science religieuse est une obligation pour chaque musulman. C'est par la science que tu adores Allah avec clairvoyance. C'est par la science que tu es à l'abri des ambiguïtés et de l'égarement. C'est grâce à la science que ton cœur se nourrit, car tu es sans cesse soit entre les paroles d'Allah, soit entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit entre les paroles des pieux prédécesseurs. C'est ton environnement, et quel bon environnement. Le quatrième moyen qui va te permettre de t'accrocher à ta religion, cher musulman et musulmane, c'est de suivre la voie droite, de suivre la voie droite que doit emprunter chaque musulman, qui est la voie des gens de la sunna, des gens du hadith, des gens du groupe sauvé, des gens qui ont suivi la voie des salafs, des pieux prédécesseurs. C'est en empruntant cette voie que tu seras à l'abri de tout égarement et que tu resteras ferme dans ta religion et que tu mettras en pratique l'islam pur, l'islam saint, l'islam authentique, comme il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, si tu veux la félicité et si tu veux la réussite, emprunte la voie qui t'y emmène. Tarju an-najat wa lam tasluk masalikaha. Inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Tu veux être sauvé alors que tu n'empruntes pas le chemin qui te sauve. Le bateau ne navigue pas dans une terre sèche. Le bateau ne navigue pas dans une terre sèche. Tu veux être sauvé? Emprunte la seule voie que nous a tracée le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Également, ce qui te permet de t'accrocher à ta religion, c'est de faire perdurer les actes vertueux. Les meilleurs actes sont ceux qui sont peu, mais permanents. Ceux qui sont en petite quantité, mais permanents. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلْ » Les actes les plus aimés chez Allah sont ceux que tu fais de façon régulière, même si elles sont en petite quantité. Car ces adorations sont comme un carburant pour ton cœur. C'est comme ça que tu nourris ton cœur. C'est comme ça que tu augmentes ta foi. Car ta foi, chers musulmans et musulmanes, augmente en adorant Allah, en faisant des bonnes actions, et ta foi diminue en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Le sixième moyen qui va te permettre de t'accrocher à ta religion, c'est de lire les histoires des prophètes et des pieux prédécesseurs. De revenir à l'histoire pour constater ce que des personnes comme toi, qui ont une bouche, deux yeux, deux oreilles, deux mains et deux pieds, ont pu faire comme exploit. Et les étapes et les épreuves qu'ils ont surmontées, et le courage qu'ils ont fourni pour rester dans cette religion et pour persister dans la vérité. Des personnes qui étaient comme des rochers sur lesquels s'écrase l'ensemble des ambiguïtés et des passions. Ceci te renforcera, te donnera des exemples à suivre et te rendra la tâche moins difficile. Car lorsque tu sais que des personnes l'ont fait avant toi, il n'y a pas de raison, bi'iznillah, que toi aussi tu n'y arrives pas. Et dans le Coran, ces histoires sont nombreuses. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام a combattu le polythéisme au point que son peuple les jetait dans le feu. Ils dirent: brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Et Allah Azza wa Jal dit: ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. Sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. Il voulait ruser contre lui. Allah Azza wa Jal dit: mais ce sont eux que nous rendîmes les grands perdants. Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Et lorsque les deux parties se virent, lorsque Moussa et son peuple ont fui Pharaon qui était à leur poursuite, et lorsqu'ils se sont trouvés en face de cet océan et l'armée de Pharaon derrière eux, lorsqu'ils se sont vus, ils ont dit « Nous allons être rejoints. » Qu'est-ce qu'a dit Moussa alayhi salam ? « Jamais, car mon Seigneur va me guider. » Restez fermes dans la religion, comme sont restés fermes les sorciers de Pharaon lorsque la vérité leur est apparue. Allah Azza wa Jal dit: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. Pharaon, après que les sorciers qu'il avait amenés ont vu la vérité émanant de Moussa alayhi salam et qu'ils ont cru, قالوا آمنا برب موسى وهارون. Et lorsqu'ils ont dit: nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun, Pharaon leur a dit: avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Falaw qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa law sallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adhaban wa abqa. Quelle est la menace que leur a faite Pharaon? Je vous ferai sûrement couper mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Qu'ont répondu les anciens sorciers de Pharaon? قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Ils ont dit: par celui qui nous a créé, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente de la part de Moussa alayhi salam. Décrète donc ce que tu as décrété. Fais donc ce que tu as à faire. Tue-nous, coupe-nous les mains et les pieds. Tes décrets ne touchent que cette vie d'ici-bas. Si tu nous tues, ce n'est que cette vie d'ici-bas qui se termine. Mais ce que nous espérons, c'est la vie de l'au-delà. C'est elle pour laquelle on œuvre. Cette vie d'ici-bas n'est qu'un moyen pour atteindre le but ultime qui est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu et sa famille. Lorsque les polythéistes de Quraysh ont appris leur islam au tout début de l'islam, ils ont fait subir à Ammar et à sa famille, radiyallahu anhum, les supplices les plus horribles. Ils ont utilisé tous les moyens ou tous les châtiments qui leur sont passés par l'esprit. Ammar, radiyallahu anhum, a été amené, a été tiré sur un sable extrêmement chaud, sans qu'il ne soit recouvert de vêtements, radiyallahu anhu. Et ils ont posé sur lui un énorme rocher. Et lorsqu'ils ont vu sa détermination, radiyallahu anhu, ils ont simulé la noyade en plongeant sa tête dans l'eau Et ils ont fait bien pire encore. Ils ont châtié sa mère, Yasir, Ammar, radiyallahu ta'ala anha, en plantant une lance dans ses parties génitales, radiyallahu anha. Qui d'entre nous aimerait que l'on fasse du mal à sa mère? Ne serait-ce que on lui arrache un cheveu. Ammar, radiyallahu anhu, sa mère a été tuée devant lui. Il n'a pas lâché sa religion. Il savait que tout cela était pour l'islam et qu'il devait persister. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isbiru ala Yasir, patientez aux familles de Yasir, votre rendez-vous est au paradis. Bilal radiallahu anhu, vous connaissez tous son histoire. Il a été châtié. On a posé sur lui un énorme rocher en lui demandant de ne pas croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en demandant d'adorer Al-Lat et Al-Uzza, il n'a pas cédé à ce châtiment horrible. Il s'est accroché à la religion d'Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a libéré par l'intermédiaire d'Abu Bakr radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Alors qu'il avait pris son vêtement ou sa tunique comme un oreiller, à l'ombre de la Kaaba, des compagnons radiallahu anhum sont venus au prophète alayhi salatu wassalam pour se plaindre des polythéistes, car ils ne supportaient plus les représailles. Ils ont dit, pourquoi ne nous secours-tu pas? Invoque Allah azza wa jal en notre faveur afin qu'il nous aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était allongé s'est assis. Son visage a rougi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, il y avait des gens avant vous. L'on prenait un homme, l'on creusait un trou, on le rentrait dedans, puis on apportait une scie. Et on l'a posé sur sa tête et on le découpait en deux morceaux. Cela ne le faisait pas détourner de sa religion. Et on apportait des peignes de fer. On peignait leur peau jusqu'à transpercer leur chair. Cela ne les faisait pas revenir sur leur religion. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi la yutimman Allahu hada al-amr. Par Allah, Allah va faire triompher cette religion jusqu'à ce que le cavalier parte de San'a à Hadramout, qui sont les deux extrêmes du Yémen, en ayant peur que d'Allah et en ayant peur pour ses brebis que du loup. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire à ses compagnons qu'il va y avoir un temps où vous serez en sécurité, où vous pourrez parcourir de longues distances sans craindre pour votre religion. Vous ne craindrez dans votre voyage qu'Allah azza wa jal et éventuellement le loup pour vos brebis. Puis le professeur sallam a dit, walakinnakum tasta'jilun. Mais vous êtes un peuple qui est impatient. Mais vous êtes impatient. Il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. et être sûr que Allah Azza wa Jalla donnera la victoire à cette religion. Ainsi, toutes les attaques qui sont portées sur les musulmans se doivent de patienter. Les musulmans se doivent de patienter, craindre Allah Azza wa Jalla et mettre en œuvre toutes les causes que l'on a précédemment citées. Et tout cela, bi'idhnillah, se terminera. Et la victoire et la suprématie sera à l'islam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'y aura pas une maison, en campagne ou en ville, sans que cette religion n'y entre. Bi'izzi azizin, ou bi'dhulli dhalil. Par la force du fort, ou par la faiblesse du faible. عِزَّنْ يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامِ وَذُلَّنْ يُذِلُّ بِهِ الشِّرْكِ. Une force par laquelle Allah Azza wa Jal renforcera l'islam et une faiblesse par laquelle Allah Azza wa Jal affaiblira la mécréance. Et je terminerai par le dernier exemple. Parmi les imams de la sunnah, l'imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, sur lequel l'imam Ibn al-Madini rahimahullah a dit: A'azza Allahu ad-din bis-Siddiq yawm ar-Riddah wa bi Ahmad yawm al-Mihnah. L'imam Ali Ibn al-Madini rahimahullah a dit qu'Allah a renforcé l'islam par Abu Bakr as-Siddiq le jour où ces personnes ont renié l'islam et ont refusé de donner la zakat. Abu Bakr radiallahu anhu les a combattus. Et également, Allah Azza wa Jal a renforcé cette religion par l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, le jour de l'épreuve. Quelle est cette épreuve? Cette épreuve qui est que Al-Ma'moun, le roi à l'époque, avait comme croyance que le Coran n'était pas la parole d'Allah, mais que c'était une chose créée. Et il a tué beaucoup de savants, et il a châtié beaucoup de savants pour qu'ils disent sa parole. Et l'un des rares à ne pas avoir succombé et à ne pas avoir cédé à cette forte pression, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lorsqu'il a été apporté devant le Ma'moun et qu'on lui a dit d'attester que le Coran est créé, il a refusé, rahimahullah. Il a été frappé jusqu'à avoir perdu connaissance. Il a été fouetté jusqu'à ce que sa peau s'en soit amolie. Puis, ils l'ont entouré dans un tapis et l'ont piétiné, rahimahullah. Et lorsque le Ma'moun est décédé, Al-Wathiq, son fils, qui a pris la relève, a fait de même. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, n'a pas cédé. Il s'est accroché à la vérité. Et, par sa cause, Allah Azza wa Jalla a donné la victoire à l'imam Ahmad et aux gens de la sunnah, ceux qui se sont conformés au livre d'Allah et à la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il ne faut donc pas désespérer. Il faut avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal donnera la suprématie à cette religion, n'en déplaise à quiconque. N'en déplaise à quiconque. Et je terminerai en demandant à Allah Azza wa Jal de nous raffermir dans sa religion et de nous préserver de l'égarement. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub, ثبت قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وعلى صبركم. Donc je vous remercie pour votre attention et pour votre patience, car j'ai largement dépassé le temps qui m'était accordé. وبارك الله فيكم.